Label Rock. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Label Rock. Comme chaque semaine, deux heures de nouveautés, puis aussi quelques vieilleries bien évidemment. Et puis un gros retour sur le festival de la fin de l'été, le plus gros festival dans la Loire en tout cas, et quasi dans la région, puisqu'on va parler au cours de cette émission, on fera un grand retour sur le Forestival, dernière édition qui s'est déroulée ce week-end, superbement bien. On aura pas mal d'interviews, notamment une interview d'un groupe culte anglais qu'on aime tous dans cette émission qui s'appelle les Toy Dolls. En attendant, première nouveauté pour ce soir et premier extrait du nouvel album studio du groupe Grinderman, vous savez l'autre groupe de Nick Cave. L'album va sortir le 13 septembre prochain. Le single qu'on vous joue, Eden Child, lui sort le 6 septembre. À noter qu'au niveau des concerts, c'est léger, hein. Une seule date en France. Il faudra être encore une fois du côté de Paris, ça sera le 26 octobre à partir de 20h à la Cité de la Musique. Grinderman donc en nouveauté dans Label Rock, ça s'appelle Eden Child. Bathtub. Yeah, sitting in the bathtub, a full of her fingers, a full of her fingers. Yeah, sitting in the bathtub, says I'm scared lonely. Never seen no one, says I'm scared lonely. Here come the wolf man, hey little mama, saying hey little mama, saying hey little mama. Sitting in a bathtub, my heathen child. She's a heathen child. Yes, she's a heathen child. Yes, she's a real wild child. She got a little gun, she got a little poison, got a little gun, and is sitting on the bathtub sucking her thumb. Says I don't care about Buddha, care about Krishna, don't care about Allah, don't care about any of them. Just sitting in the bathtub sucking her thumb, 'cause she's a heathen child. Yeah, she's a heathen child. Yeah, she's a heathen child. Yeah, she's a real wild child. Oh, yeah. You come on, baby. A poor little Momo. Yeah, Captain Monroe. She's got a little powder, got a little gun, and sitting in the bathtub having some fun. She was raised by beasts and photographed by vultures. Ah, here come the wolfman, the abominable snowman. Got a little poison, got a little gun, sitting in the bathtub waiting for the wolfman to come. You think your great big husband will protect you? You are wrong. You think your little wife will protect you? You are wrong. You think your children will protect you? You are wrong. You think your government will protect you? You are wrong. She don't care about Allah. She is the Allah. Don't care about Buddha. She is the Buddha. She's a heathen child. She's a heathen child. She's a heathen child. Label Rock avec Sébastien Agas. Make Take me by the hand. Take me by the hand. Take me by the hand. Take me by the hand. Take me by the hand. State pour commencer, nouveauté pop rock hein, qui vient de Leeds en Angleterre, et puis à l'instant un extrait du nouvel album des Klaxon, vraiment un des albums de la rentrée, ça c'est sûr, 3 ans en tout cas après la très belle révélation de leur premier album. Les voici donc de retour avec Surfing the Void, un album qu'on va qualifier très ambitieux et extrêmement riche musicalement parlant. En tout cas, les fans ne devraient pas être déçus par le disque. Ils seront peut-être un petit peu plus déçus par le manque de date, hein, puisqu'il n'y a qu'une seule date de concert pour les Klaxon en France. Ça sera le 13 septembre du côté de Paris à la Cigale. Après tout ce rock, j'espère que vous êtes chaud bouillant. On va refroidir un petit peu tout ça avec une petite série de voix féminines. Tiens, Martina Topley Bird pour commencer, Too Tough to Die, un nouvel album pour l'anglaise. Quelques précisions pour tous ceux qui ne connaissent pas encore cette magnifique chanteuse, chanteuse qui a longtemps collaboré avec Tricky, hein, notamment sur son premier album qui s'appelait Machine Quay. Mais Martina, c'est aussi des collaborations avec Roots Maniva, par exemple, sur le dernier album des Gorillaz, et bien évidemment aussi avec Massive Attack, notamment sur le dernier album. Voilà. En tout cas, troisième album pour Martina, premier album hein, pour le compte du label de Damon Albarn de Blur. Le label s'appelle Honest Jones, l'album lui s'appelle Someplace Simple, un album enregistré en une semaine et qui combine des nouvelles compositions ainsi que des morceaux plus anciens et réinterprétés différemment. Le résultat lui est frais, intime et captivant. La preuve en musique maintenant, Martina Topley Bird, Too Tough to Die dans Label Rock. Always wonder why my mama left town, New Haven, ate a bag of salt. When nobody knows your name, you look so different over the phone. 7 states away, they're doing a strange fruit swing. And when they come down, you have to leave town. I'm too tough to die. And I am too tough to die. Blessed are those who believe and have not seen. I wasn't there. It's got me wondering, the man you make then and now he's burning. Schools are learning, you can't unlearn, and no room to turn. There alone, run. I am too tough to die. I Label Rock avec Sébastien Agas. Série voix féminine avec Martina Topley Bird pour commencer. L'album s'appelle Someplace Simple. L'album est disponible sur le label de Damon Albarn, disponible depuis quelques semaines. Et puis à l'instant, des nouvelles d'XX qu'on avait vu du côté de Lyon, c'était aux nuits de Fourvière. Ils vont justement continuer leur tournée puisqu'ils partent fin du mois aux États-Unis pour quelques dates. Ils en profitent tout de même pour sortir un nouveau maxi. C'est un titre de l'album, un premier album, je vous rappelle, qui était sorti l'an dernier qui avait cartonné, qui nous avait largement plu. Le titre Shelter qu'on vient de s'écouter, remixé ici par le Canadien Tiga. On reste dans la musique à tendance un petit peu électro, ethnique même, je dirais, pour le retour du quintet de la Croix-Rousse à Lyon. Hightone, 3 ans après l'impressionnant dernier album Underground Wobble. 5e album qui s'appelle Out Back. Les Lyonnais qui seront cette fin de semaine, tiens, j'étais en train de regarder leur MySpace, ils seront du côté du Québec pour donner quelques concerts. Et ils sont tout de suite dans la Belle Rock avec Rub-A-Dub Anthem. Je vous rappelle, nouvel album Out Back, Hightone, tout de suite dans la Belle Rock. Montez le son. The song I would sing is not about the war, not about the drugs, and not about the star. The story I will tell you, it's about the style of song. That style of song comes from the underground. This is the Rub-A-Dub Anthem. The Rub-A-Dub Anthem. The Rub-A-Dub Anthem. To your family, your crew and your friend. Cause Rub-A-Dub is the style with the microphone center. Following the bass and the down pressure. The kick give me the tempo, the ear follow me. Yes, the skunk make me move. Phare donc de Lyon, les Hightone, Rub-A-Dub Anthem, un des meilleurs titres de leur 5e album intitulé Outback, disponible depuis quelques semaines sur l'excellent label indé Jarring Effect. On va rester dans les tendances un petit peu reggae comme ça. On va partir avec le prochain groupe sur les platines de l'émission Label Rock. C'est une véritable légende de la musique jamaïcaine, et ceci depuis plus de 60 ans. On les appelle les maîtres du mento, un style musical jamaïcain qui est apparu avant vraiment le ska avant le rocksteady et le reggae et qu'on confondait souvent à l'époque avec le calypso. En tout cas, pour en revenir à ce groupe, il s'appelle les Jolly Boys et depuis les années 50, ils ont dû sortir, vous vous en doutez, plus d'une douzaine d'albums, pas mal de compilations. Les voici donc de retour en 2010 avec un nouvel album qui s'appelle Great Expectation avec Albert Minot, Joseph Bennett, Derek Henry, Alan Swimmer, Egbert Watson, Donald Woff, Lanford, Brutus Richards et finalement Del Virgo du côté des percussions. Nouvel album donc qui s'appelle Great Expectation avec dessus beaucoup de reprises, des reprises d'Iggy Pop, de New Order, des Rolling Stones, des Doors, de Lou Reed et puis une certaine Amy Winehouse. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got the time, and if mommy thinks I'm fine. They tried to make me go to rehab, but I won't go. At home with me, yeah. I don't got 70 days, 'cause there is nothing you can teach me that I cannot learn from Mistress Attaway. A lot in class, but I know it doesn't come in a shot glass. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know. I meant me go to rehab, but I won't go, go, go. The man said, why do you think you are here? I said, I got no idea. Am I gonna lose my baby? But me, she said, I think you are depressed. Kiss me, baby, and the rest. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. I ain't got the time, and if mommy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, but I won't go, go, go. I don't ever wanna drink again. I just friend, I'm gonna spend 10 weeks of everyone think I am on the mend. It's not just my pride, it's just till these tears have dried. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you will know, no, no. Les pap- hippies jamaïcains, les Jolly Boys, de retour donc en 2010, nouvel album Great Expectation, je vous disais, un album de reprises dont Rehab qu'on vient de s'écouter à l'instant, évidemment reprise d'Amy Winehouse. Autre album de reprise qu'on va explorer tout au long de ces semaines dans la Belle Rock, c'est celui d'Amanda Palmer. Amanda Palmer, une chanteuse américaine, avec un maxi donc de retour qui s'intitule Amanda Palmer Performs the Popular Hits of Radiohead on a Magical Ukulele. Vous avez peut-être compris qu'on parle de Radiohead et qu'on parle d'ukulélé. C'est parti, Amanda Palmer avec No Surprises. A heart that's full up like a landfill, a job that slowly kills you, bruises that won't heal. You look so tired and happy, bring down the government. They don't speak for us. I'll take a quiet life, a handshake of carbon monoxide. Baby, féminine à l'honneur dans ce programme avec donc une reprise de Radiohead sur le maxi d'Amanda Palmer, No Surprises, juste après un duo de filles qui nous vient des États-Unis, de Los Angeles pour être plus précis. Elle s'appelle Azure Ray, nouvel album qui va sortir mi-septembre. L'album s'intitule Drawing Down the Moon. C'est leur quatrième album sur le label Saddle Creek. C'est pas des débutantes, Maria et Orenda, puisque quand elle s'occupe pas d'Azure Ray, elle collabore notamment avec d'autres artistes tels que les Japan Cakes, Bright Eyes ou bien encore Moby. Et puis à l'instant, magnifique souvenir de 2002 avec la chanson phare du premier album de Beth Gibbons, la chanteuse de Portishead et de Rustin Man, alias Paul Webb, évidemment, du groupe Talk Talk. Magnifique album de folk qui s'appelle Out of Season. Très mélancolique et souvent assez sombre. C'est le titre d'ailleurs de cette première collaboration. Out of Season entre ces deux artistes, au cas où à l'époque vous auriez raté ça. Ça date de 2002, mais c'est facilement trouvable sur l'internet. Bev Gibbons and Rustin Man Mysteries. Petit clin d'œil, tiens, je viens de m'apercevoir. Ça se voit que j'ai regardé L'Auberge Espagnole et Les Poupées Russes, la suite, puisque il me semble que No Surprises, c'est le thème principal du premier film, et que Mysteries de Bev Gibbons et Rustin Man, c'est évidemment le thème du deuxième film. On va rester dans les choses calmes, avec tout de suite un extrait du nouvel album de Sid Matters, Brother Ocean. Ça sort chez Because. C'est sorti, même puisque c'est sorti le 30 août dernier. Voilà, le retour des 5 garçons de Sid Matters avec un titre qui s'appelle We Are Invisible. Looking at the sea, are they looking for me? Coming out from the deep, the giant. Everything has drowned, and now what's worth remembering when everything has drowned? Thank you. We Are Invisible dans Label Rock, extrait du nouvel album des Sid Matters. L'album s'appelle Brother Ocean. Je vous rappelle qu'il est disponible chez Because et ceci depuis le 30 août. Si vous êtes fan comme moi des Sid Matters, on les a vus, hein. Souvenez-vous, c'était du côté des Mardis du Grand Marais. Une longue tournée qui s'annonce en France. Je vais en profiter pour tous ceux qui écoutent via le podcast pour vous donner les dates. Le 8 octobre, ils seront du côté de Limoges à la Fourmi. Le 9 octobre, du côté de Rennes à l'Antipode. Le 13 au poste à Galène du côté de Marseille. Le 14 octobre, ils seront du côté de Lyon-Fézin à l'épicerie moderne. Le 14 octobre donc. Le 15 du côté du Mama à Paris. Le 16 à la Luciole d'Alençon. Le 20 au Théâtre en Rond de Grenoble. Le 21 à la Victoire à Montpellier. Le 22 au Krakatoa de Bordeaux. Le 23 à la Salle des Fêtes d'Agnac. Le 2 novembre au Bataclan à Paris. Le 12 à la Cave aux Poètes à Roubaix. Le 20 novembre au Phare à Tournefeuille. Et encore deux dates. Le 27 au Centre Culturel Paul Bayard, c'est du côté de Massy en Ile-de-France. Et ils termineront cette tournée avec une date le 4 décembre du côté de Blois, dans un endroit qui s'appelle le Hall That Jazz. Voilà, excellent nouvel album donc des Sid Matters. Si vous aimez votre folk teinté de quelques touches d'électro, vous allez adorer. Autre chose que j'adore beaucoup, plus pop, deux frangins canadiens de Toronto qui se font appeler Strider Hero, premier maxi en plus à télécharger gratuitement sur leur site MySpace, c'est toujours sympa, avec cette belle mélodie gaie et entraînante. La preuve tout de suite, ça s'appelle Brave. Le groupe, lui, Strider Hero. Je vous rappelle, vous écoutez Label Rock, et bah comme chaque semaine. J'aime beaucoup ce genre de pop. Les deux frangins canadiens de Strider Hero Brave, je vous rappelle, c'est tiré d'un premier maxi et qu'il est complètement gratuit. C'est sur leur site MySpace que vous retrouvez bien évidemment le lien sur le blog de l'émission. On va écouter une nouveauté chez Because avec un Allemand du nom de Patrice, un Allemand basé à Cologne qui a déjà sorti au cours de ses 12 années de carrière 6 albums. Et puis juste après Patrice, on reviendra donc avec le retour du côté du Forestival qui s'est déroulé ce week-end. Patrice donc, nouveauté, Ain't Got No. Vous allez voir, c'est une reprise, une réadaptation du célèbre morceau de Nina Simone. C'est parti dans le Bell Rock. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no pants, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no father, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mind. Excellente production signée Patrice, nouvel album qui s'appelle One, aisément un des albums que j'ai le plus écouté cet été. Beaucoup de beau monde dessus, avec par exemple la douzaine de violonistes de l'orchestre féminin Damon Strings qui a collaboré entre autres avec Gorillaz et Blur. Mais on retrouve aussi le légendaire saxophoniste jamaïcain Cedric Brooks. On retrouve aussi Sly et Ruby, sans oublier la sélection cuivre des Scatalites, justement sur ce morceau qu'on vient de s'écouter. écouter, reprise de Nina Simone, Ain't Got No. Je vous rappelle, l'album s'appelle One, l'artiste lui s'appelle Patrice. Pas mal de dates en France. On va s'intéresser à la région Rhône-Alpes, puisqu'il y aura notamment une date le 3 novembre, ça sera du côté de la coopérative de mai à Clermont-Ferrand, le lendemain au Zénith de Saint-Étienne, et puis ils joueront, il me semble, en fin de tournée. Voilà, le 15 novembre, je viens de retrouver la date, ça sera au Transborder de Lyon-Villeurbanne. Je vous avais promis en début d'émission et juste avant de passer Patrice qu'on ferait un retour sur la 6e édition du Forestival qui s'est déroulé le week-end dernier du côté de Trelin, près de Boin dans la Loire, avec 3 jours de musique et de convivialité. Énorme affiche hein, cette année, puisqu'on retrouvait notamment Ragasonic, les Fatal Picard, le Peuple de l'Herbe, les Toy Dolls, Guns of Brixton, Go Ayandi, Maccabée et son Zombie Orchestra, Brixton Dynamic Band, Mato, Barrio, Populo, les Pops et As de Trèfle. Excellente organisation comme d'habitude, avec à noter une nouvelle formule cette année, puisque le festival s'est déroulé sur 3 jours et non pas sur 2, et que le festival de rue du coup qui se passait autrefois dans le village a été ramené cette année sur le site du festival. Tout s'est super bien passé avec un public venu nombreux au rendez-vous, comme l'a expliqué d'ailleurs Adrien. C'est un des membres de l'organisation, je l'ai rencontré sur place évidemment, c'était samedi soir lors du concert des Ragasonic. On l'écoute. Adrien, je m'occupe du village associatif sur le Forestival en tant qu'organisateur à l'année. On peut dire que cette deuxième soirée s'annonce plutôt pas mal. Il y a vraiment beaucoup de monde là devant la scène. Ragasonic a vraiment fait rentrer pas mal de monde. On attend le Peuple de l'Herbe aussi, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont encore rentrer. Ça a l'air satisfaisant pour l'instant. Au bilan, il y a des petits chiffres qui sont ressortis, environ 3000 personnes hier. Donc ça reste positif, même si on attendait plus de monde. Mais pour l'instant, on est bien. Mon sentiment perso sur la soirée d'hier soir, les groupes étaient très bons, très bonne ambiance au niveau des festivaliers, ils étaient tous très sympas. Et puis, vraiment bonne ambiance. Hier, c'était beaucoup plus rock avec les Fatal Picard et Toy Dolls. Ça a attiré du monde, mais peut-être moins le style que les gens affectionnent. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plus de monde avec Ragasonic et le Peuple de l'Herbe. Mato qui a fait rentrer beaucoup de monde en première partie, les gens ont bien apprécié au tremplin ce groupe et sont revenus assez nombreux pour le voir en première partie. Et c'est vrai que c'était intéressant pour eux, je pense, de jouer hier sur la scène du Forestival. Peuple de l'Herbe, c'est les Lyonnais, donc c'est quasi local. Ça fait 10 ans que tout le monde connaît. Et ce soir, on attend. Tous les gens en parlent déjà. Et c'est vrai que ça risque d'être très chaud de l'ambiance sur le Forestival ce soir. Ouais. Au niveau des bénévoles, on va peut-être les remercier, parce que vous êtes combien exactement ici ? Ce soir, il y a plus de 280 bénévoles en fait. Donc c'est vrai, un gros merci à eux, sans qui le Forestival pourrait pas fonctionner en fait. Parce que pour faire tourner la buvette, le snack, la billetterie, le village associatif, c'est tous des bénévoles qui gèrent ça derrière en fait. C'est tout plein de petites mains qui font que le Forestival fonctionne quoi. C'est génial d'être là ce soir parce qu'il y a vraiment une très bonne ambiance avec Ragasonic en fond et c'est génial. Adrien donc au micro de Label Rock, c'était samedi soir, coincé entre le concert des Ragasonic et celui du Peuple de l'Herbe. Pourquoi n'allez-vous pas danser ? Je ne sais pas danser. Quoi ? Vous n'avez jamais dansé ? J'ai essayé une fois, mais il se trouve que je m'en mêle les pieds. Mais enfin, danser, c'est pas si compliqué que ça. C'est très simple. Tenez, regardez-moi. Adios. Le son des Lyonnais du Peuple de l'Herbe à l'honneur à l'instant dans la Belle Rock Catch Up, tiré de leur dernier album Tilt qu'ils étaient venus promouvoir du côté du Forestival. C'était donc samedi dernier. Le Forestival, on y retourne dans quelques minutes puisqu'on a eu l'occasion non seulement de parler avec les Toy Dolls, ça viendra un petit peu plus tard dans cette émission, mais juste avant on aura l'occasion de rencontrer Thierry Pila et les programmateurs du côté du Phil à Saint-Etienne, et il va nous dévoiler le programme de la rentrée. Vous verrez que ça va se passer très très bien du côté de Saint-Etienne, notamment du côté du Phil. En attendant, hommage à celle qu'on appelle la maman du punk rock, je parle de l'allemande Nina Hagen avec tout de suite un de ses titres les plus connus, ça s'appelle African Reggae. Hello. Label Rock avec Sébastien Agas. African Reggae pour commencer avec Nina Hagen. C'était en 1979 sur son deuxième album qui s'appelait Unbe Hagen. Et puis à l'instant, un artiste portugais que je vous ai fait découvrir en janvier dernier. Il vient de Lisbonne au Portugal et il se fait appeler The Legendary Tigerman. C'est le projet de Paulo Furtado, le leader de l'excellent groupe Reagan. Quatrième album qui s'appelle Femina, un album qu'il viendra défendre sur scène, pas bien loin de chez nous, si vous êtes dans la Loire, puisqu'il sera en concert au Fil. Puisqu'on parle du Fil, justement, chose promise, chose due, Thierry Pila, le programmateur, rencontré du côté du Forestival ce week-end, qui nous parle justement de la rentrée dans la salle stéphanoise. Ouais, je m'appelle Thierry Pila, je suis programmateur du Fil à Saint-Étienne. Bientôt 3 ans que le Fil s'installe dans la Loire. Et en fait, pour l'instant, on est assez content du résultat parce que on fait à peu près 45 000 spectateurs à l'année, 100 de spectacles à l'année, tout style confondu, des actions culturelles. Et je pense que bon, voilà, c'était un challenge de démarrer un projet comme ça. Pour l'instant, on est vraiment, on peut dire qu'on est dans les clous, même s'il y a encore toujours beaucoup de travail à faire, beaucoup de public à conquérir, beaucoup d'artistes à faire découvrir. Mais pour l'instant, je pense que on est satisfait du résultat. Les retours du public sont plutôt bons, dans le sens où le lieu est jugé quand même assez convivial. C'est vrai qu'on a un outil qui est assez fonctionnel, un bon retour du public, avec aussi on va le chercher aussi. Par exemple, cette année, on a développé davantage sur cette rentrée ce qu'on appelle la carte Feel Good, les abonnements, 10 euros à l'année, des tas de réductions, des cadeaux, plein de choses qui rendent les concerts pas chers. Et ça c'est un point fort, je pense, du projet, du Feel. Rendre le lieu accessible à tous, c'est sûr que ça c'est très important, ouais. Bah là, on a lancé le programme de octobre-novembre. Et c'est vrai que entre la réouverture du Feel le 23 septembre jusqu'à, on peut dire, Noël, on a entre 40 et 50 soirées. C'est une programmation de rentrée qui est plus grosse que d'habitude, dans le sens où on a à peu près le même rythme de nombre de concerts. Par contre, on a peut-être plus de têtes d'affiche avec avec Nina Hagen le 6 octobre, elle fait 5 dates en France et c'est la seule date dans le sud-est de la France. On a Section d'Assaut pour le rap, on a Pony Run Run, on a Arnaud, on a Cocoon qui vient au mois de novembre, ce sera la deuxième date de leur tournée avec leur nouvel album. On a Indy Zara, on a Gaëtan Roussel, puis... entre les lignes, entre tout ça, il y a des plus petits concerts qui sont très intéressants à voir. On lance sur cette rentrée une série de concerts qu'on va appeler les concerts OUI, O-U-I-E, qui sont des concerts à 10 euros au club, qui sont des concerts à découvrir, des choses qui nous semblent intéressantes. On va accueillir The Legendary Tiger Man, c'est un bluesman, un homme en solo aussi, qui vient du Portugal, qui a sorti pas mal d'albums, beaucoup de collaborations avec plein d'artistes différents qui viennent aussi bien du rap que des musiques électroniques. On accueille les Américains de Dub Trio, qui font un dub metal. On accueille Absinthe Minded au mois de novembre, les Belges, qu'on a quand même pas mal entendu à la radio. Et ça, c'est un concert, oui, aussi, à 10 euros. Voilà, plein de petites choses intéressantes. Grosse soirée dub. On accueille le Télérama Dub Festival avec Brenda Medge, Zenzile. Voilà, jusqu'à en décembre, on aura Catherine aussi, Philippe Catherine, avec le nouvel album. L'objectif de cette rentrée, c'est toujours la diversité, la découverte, des têtes d'affiche, pour aussi aller chercher un plus grand public, conquérir le public qu'on n'a pas encore accueilli au Feel. Donc on croise les doigts pour que ça, que ça cartonne sur la rentrée. www.le-feel.com, possibilité de s'abonner à la newsletter, d'écouter tous les artistes en fait en direct sur le site et d'avoir toutes les infos. Un grand merci donc à Thierry Pila, le programmateur de la salle stéphanoise Le Feel, d'avoir répondu à nos questions. C'était lors du Forestival le week-end dernier. Je vous rappelle aussi www.le-feel.com pour avoir toutes les informations sur la rentrée du côté du Feel. On continue ce programme avec une nouveauté rock maintenant, le groupe suédois The Disciplines. L'album s'appelle Smoking Kills, disponible depuis quelques temps sur le label Rocks My Ass Records. Ils sont quatre, hein, Bjorn, Bard, Rala, qui pour l'occasion sont accompagnés par Ken Stringfellow, le fondateur tout simplement du groupe de Posies, pour ce nouvel album avec du bon rock direct et efficace. La preuve tout de suite, ça s'appelle Yours for the Taking. Le groupe, je vous rappelle, s'appelle The Disciplines. Vous l'écoutez, Label Rock, montez le son. Under different circumstances, we'll probably be friends. For you now, put my heart and soul in it, crash and burn for you now. Don't you know I'm yours for the taking? Oh, I'm yours, but you gotta give me something real to hold on to. Oh, I put myself out a thousand times. I make like the mirror could become you. Again, we're never gonna be just friends, girl. passion burn for you now. Don't you know I'm yours for the taking? I'm yours, but you gotta give me something real to hold on to. You put me off a thousand times. I made my mind up and baby it's on you. Telling you that being friends ain't never gonna be just fine. Telling you that being friends ain't never gonna be fine. Girl, I've known you now for a long, long time. However slow you need to make up your mind. Cause baby I'm yours for the taking. Baby I'm yours for the taking. Baby I'm yours for the taking. Baby I'm yours for the taking. I'm yours. La Belle Rock avec Sébastien Gass. Ils sont jeunes et ils sont signés sur le label Def Records. Ils s'appellent Electric Suicide Club et ils viennent de Strasbourg. J'aime bien ce son, hein. Wait a Minute, c'est un titre tiré d'un maxi. Voilà, quelques critiques tiens, du côté de la presse. Avec par exemple cette critique, hein. La rage des guitares et des compos de garage rock enlevés. Ce combo strasbourgeois suinte l'énergie des Hives et la crasse du John Spencer Blues Explosion. C'est vrai que ça traduit plutôt bien le son du groupe Electric Suicide Club. Ou alors celle-ci encore. Ce trio strasbourgeois rajeunit les Stooges, secoue les Stones un bon coup et donne envie de se jeter par terre et de se rouler comme un crétin dans la bière. Il m'est arrivé de faire ça, oui, effectivement. Ou encore celle-ci. Ils ont en tout cas le talent d'être jeunes et pressés, abordant chacun de leurs concerts comme si c'était le dernier. Une pure décharge de rock'n'roll électrique. Voilà. En tout cas, donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'appelle Electric Suicide Club et qu'il y a un site internet qui s'appelle deathrecords.com, tout simplement. Allez y jeter une oreille. On revient du côté du Forestival maintenant avec ce qui était pour moi la grosse tête d'affiche de tout le week-end. Un groupe culte, hein, que bah, je vais pas dire que j'ai écouté ça à l'âge où j'avais encore mon biberon, mais en tout cas, ça représente une grande partie de mon adolescence. Je parle bien sûr d'un groupe punk légendaire anglais qui s'appelle les Toy Dolls. Il était à peu près, on va dire, 2h du matin quand ils ont terminé leur set et Olga nous a donné gracieusement, on va dire, une interview très très cool, hein, dans une tente avec les matos, tiens, qui étaient justement à côté. En tout cas, les Toy Dolls tout de suite dans la Belle Rock. Ça dure pas forcément très longtemps, mais qu'est-ce que c'est bon. Hello, I'm Olga from the Toy Dolls and you're listening to Label Rock. There's a motor store at the top of the hill and you hold it for little bits and pieces for your car. I'll introduce myself. I'm Olga from the Toy Dolls. Lead singer, guitar player, not the singer. On est trois. The Amazing Mr. Duncan, le batteur, et Tom Goober, le bassiste. Le groupe a changé parce que 31 ans c'est long. Les gens sont malades, se marient, changent, trouvent des boulots normaux et on en marre de partir en tournée. Donc il faut s'attendre à ce que ça change un peu. Mais Tom est dans le groupe depuis maintenant 7 ans, Mr. Duncan 5 et moi 31 ans. Le public français est très poli, plus calme que par exemple en Espagne, mais très sympa. On n'est pas en tournée, mais on fait des festivals cet été. Demain en Sardaigne, après la Russie pour deux jours, et après l'Amérique du Sud. Les Toy Dolls ont commencé en 79 et maintenant on est en 2010. Voilà, c'est un résumé rapide. Le son reste le même car ma guitare et ma voix restent les mêmes. Et c'est ce qu'on aime faire. En plus, c'est ce que le public adore. J'arrive pas à y croire. Quand on a commencé en 1979, on pensait finir en 1981, 82, et là on est en 2010. J'arrive pas à y croire. Can't believe it. I really can't believe it. Maybe because we've never been in fashion, we always stay, you know, not on MTV or anything. Peut-être c'est parce qu'on n'a jamais été à la mode, jamais passé à la télé, et du coup on a un public solide et fidèle. On a un statut culte, et si tu n'as jamais été à la mode, tu ne peux pas ne plus être à la mode. If you've never been in fashion, how can you go out of fashion? So, we, you know, I think c'est très sympa. Yeah, it's really nice. Yeah, very nice. Very happy that everyone sings along. She rolled a chumpity chump, chump, chump, chump. Now Nelly the elephant packed a chump, a tumble up in the jungle. Off she rolled a chumpity chump, chump. Yeah. On a presque fini d'écrire des nouveaux morceaux, enregistrement l'an prochain, et après, de nouveau des concerts. Then all the gigs will start again. Things have completely changed. Tout a changé. Je pense que maintenant, c'est la scène qui prime. Ça a toujours été le cas. Encore plus maintenant. But even more so now. And then bands... Quand je regarde la presse musicale, je m'y retrouve plus. La scène, c'est vraiment la clé. C'est triste pour les groupes qui ont vendu beaucoup de disques, mais qui n'ont jamais eu un public qui les suivait. Et d'un coup, ils vendent plus de disques et c'est fini, car ils n'avaient pas de fondation solide. C'est sad for people who've had sold a lot of records with no big following, and they can't sell any more records, and then finish all together because they haven't got the foundation. But that's the way it is. Mon Dieu, j'espère que non. Qui sait? J'avais dit qu'on arrêterait en 1982, et là on est en 2010. Quand on sera fatigué, qu'on en aura marre, on arrêtera. Car le public sait, et tu ne peux pas faire une belle performance si tu t'éclates pas. You know, you can't perform well if you're not enjoying it. song they used tonight. Outside Foster's Club had been a fight. Every time you go to dinner beat, you will hear a yell when somebody's shouting for me. Posing wasn't easy as the DJ he rocked easy all night long. Hello, hello, hello, hello. Who's down there? Who's down there? Hello, hello, hello, hello. Who's down there? Who's down there? In the fish you call sea glitter and sea. I don't wanna be. I don't wanna be. You don't wanna be. We don't wanna be. Everything silent on Frederick Street. A lonely policeman walks the beat. Before long, everybody'll know. Bossless Club is not the place to go. Unless you want your head kicking in, kicking in, kicking in. You will hear a yell when somebody shouting for help. Might not want it. To Bombay. And off she ran to Hindustan and was never seen again. The elephant part to jump to say goodbye to the circus. Off she went, the jumping jump, jump, jump, jump. Melody elephant part to jump to jump the love the jungle. Off she went, the jumping jump, jump, jump, jump. Night by night, she danced the circus band. When Ellie was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm. The elephant back to jump and said goodbye to the circus. Off she ran, the jumpity jump, jump, jump, jump. Melody elephant back to jump and jump the lot of the jump. No, off she ran, the jumpity jump, jump, jump, jump. Melody elephant back to jump and said goodbye to the circus. Off she ran, the jumpity jump, jump, jump, jump. Melody elephant back to jump and jump the lot of the jump. No, off she ran, the jumpity jump, jump, jump, jump. The circus, oh, she ran the jumpy jump, jump, jump, jump. Tell to the yellow pop pop, to jump, to jump, the low, to jump, look, off she went, the jump, jump, jump, jump, jump. Hey, bow, what are you doing? The yellow pop pop, to jump, and say goodbye, the circus, off she went, the jump, jump, jump, jump, jump. The yellow pop pop, to jump, and jump, the low, to jump, look, off she went, the jump, jump, jump, jump. Simplement énorme en live et en face à face aussi avec cette interview gracieusement accordée donc par le groupe légendaire britannique punk rock les Toy Dolls qui ont complètement électrifié la scène du Forestival. C'était vendredi soir. Un grand merci à eux et un grand merci aussi à toute l'équipe du Forestival pour m'avoir permis ainsi qu'à mon jeune assistant Romain qui je fais un petit coucou tout de suite d'avoir des passes VIP qui nous permettaient justement d'aller interviewer un petit peu tout le monde et puis de regarder un festival vu de dessous comme ça en coulisses, c'est toujours très intéressant. Allez, après le punk rock anglais des Toy Dolls, un petit peu de calme maintenant dans cette émission Label Rock avec le retour de quelqu'un que j'adore, c'est Anthony and Johnson. C'est un maxi 5 titres qui vient de sortir qui s'appelle Thank You For Your Love qui annonce tout simplement, et ça c'est une excellente nouvelle, l'arrivée en octobre d'un nouvel album qui s'appelle Swan Lights. Ça sortira le 11 octobre chez Rough Trade. En attendant, ce premier maxi avec cette magnifique chanson Thank You For Your Love, Anthony and the Johnsons dans Label Rock. Oh, thank you for your love. Thank you for your love. toujours aussi magnifique la voix d'Anthony and Johnson. Je vous rappelle, c'est un maxi 5 titres, Thank You for Your Love, qui va précéder donc le nouvel album Swan Lights. Ça sortira chez Rough Trade le 11 octobre. Après ce petit morceau tout en délicatesse et calme, retour de la boum boum dans la Bell Rock. l'avant-dernier morceau dans cette émission Label Rock avec une nouveauté électro-techno. C'est sur le label allemand Cocoon, nouveauté signée par le toujours aussi excellent producteur DJ allemand Johannes Heil. Je vous rappelle, un producteur depuis 1995, il a sorti entre autres beaucoup de morceaux, comme vous pouvez vous imaginer, sur quelques-uns des labels les plus respectés en Allemagne, hein, notamment. Je pense à Kanzleramt, ça c'est un excellent label, Kurbel, Datapunk, Clank, Electronic ou alors International DJ Gigolo Records, le label de DJ L. L'album en tout cas, c'est son 9e album, hein. L'album s'appelle Lovin, il va sortir le 9 septembre et je vous rappelle le nom de cet artiste, c'est Johannes Heil. Et ben, c'en est terminé pour cette émission Label Rock. On va se quitter avec un classique, tiens, pour terminer cette émission et pour célébrer, on en a beaucoup parlé cette semaine, célébrer la reformation du groupe anglais de Libertines avec un certain Karl Barat et évidemment Pete Doherty. Quelques concerts qui ont été donnés la semaine dernière du côté de Londres et je crois que le week-end dernier, pendant qu'on était au Forestival, eux se tapaient le festival de Leeds ainsi que celui de Reading. Pas eu trop d'écho, mais je pense que ça a dû bien se passer. Voilà, les Libertines donc de retour sur la scène musicale et présent dans cette émission Label Rock avec What Became of the Likely Lads. C'en est terminé donc, à la semaine prochaine, soyez sages mais pas trop. Comme d'habitude, c'était Sébastien et c'était Label Rock. Ciao ciao. Please don't get me wrong, see I forgive you in a song we'll call the Likely Lads. But if it's left to you, I know exactly what you'd do with all the dreams we had. Cause blood runs thicker, it's thick as thieves, you know. It's important to you. Important to me. I try to make you see, but you don't want to know. If you puzzle some along and get forgiven in a song, I'll have to touch my life. It's on the lights, to all my wrongs, when they needed the new songs, welcome back outside. The blood runs thicker, oh, with thick as thieves, you know. That's important to you, it's important to me. I tried to make you see, but you don't want to know. Oh, what became of the likely life? What became of the dreams we had? Oh, what became of forever? Came up forever, no one ever knows. But please don't get me wrong, see I forgive you in a song we call the Likely Lads. We all bought the ones, we told the world, we wrote the songs, it's still the dreams we have. But blood runs thicker, oh, with thick as thieves, you know. That's important to you, it's important to me. I try to make you see, but you don't want to know. Oh, what became of the likely light? What became of the dreams we had? Oh, what became of forever? Became up forever. We'll never know. The blood runs thicker, oh, with thick as thieves, you know. If that's important to you, yes, it's important to me. I try to make you see, but you don't want to know. What became of the dreams we had? Oh, what became of forever? Oh, what became of forever? Oh, we'll never know. So we'll never know. not to speak my mind and to lie to you rather than hurt you. Well, I'll confess all of my sins after several large gins, but still I'll hide from you, hide what's inside from you. And the alarm bells ring when you say your heart still sings when you're with me. Oh, won't you please forgive me? I no longer hear the music. Oh no. Memories of the pubs and the clubs and the drugs and the tubs we shared together stay with me forever. But all the highs and the lows and the twos and the throws, they left me dizzy. Oh, won't you please forgive me? I no longer hear the music. Oh no. Well, I no longer hear the music when the lights go out. Shades of thousand strange lights in my mind, it's all too clear. Music when the lights come on, the girl I thought I knew is gone. With her my heart it disappears. Oh, I no longer hear the music. All the memories of the fights and the nights and the blue lights, all the kites we flew together. I thought they'd fly forever. But all the highs and the lows and the twos and the fours, they left me dizzy. Won't you forgive me? I no longer hear the music. Well, I no longer hear the music. I no longer hear. Strange fates in my mind, it's all too clear. Music when the lights come on, the girl I thought I knew is gone. With her my heart it disappears. I no longer hear the music. I no longer hear the Label Rock, deux heures de son pas comme les autres.